Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Il ne me reste qu'un bout de chemin à faire sur terre. Il ne me reste qu'un bout de chemin et je veux le faire avec toi. Il ne me reste qu'un bout de chemin, un pèlerinage. Il ne me reste qu'un bout de chemin avant d'entreprendre le long voyage avec toi, avec toi, avec toi. Il ne nous reste qu'un bout de chemin. Garde courage, il ne nous reste qu'un bout de chemin. Le Seigneur Jésus est du voyage. Il ne nous reste qu'un bout de chemin. Le jour va paraître. Il ne nous reste qu'un bout de chemin. Voilà la veille arrivera.